Regard sur la francophonie. Monte Carlo, joyau de Monaco. Pour l'auteur Colette, Deauville était un Monte Carlo tempéré. Course hippique, luxe, casino, prestige, ses sœurs jumelles ont en effet beaucoup de points communs. Un quartier, pas une ville. Monte Carlo, l'un des 9 quartiers de Monaco, a été inauguré en 1866 en l'honneur du prince Charles III de Monaco, d'où son nom, le Mont Charles. Ce n'est donc ni une commune, ni la capitale de Monaco. Il représente 21% du territoire de la principauté. Dans le passé, ce n'était qu'une terre aride avec des oliviers et des caroubiers, ces grands arbres méditerranéens. La volonté de Charles III était d'en faire un lieu de villégiature et de jeu pour la noblesse et la grande bourgeoisie européenne. Très vite, Monte Carlo va devenir une destination appréciée par les plus illustres, dont Coco Chanel, Winston Churchill, Jean Cocteau, Dali et Visconti. Un casino prestigieux. Le premier casino imaginé par François Blanc en 1863 a laissé la place en 1879 au bâtiment de style Belle Époque conçu par Charles Garnier, auquel on doit aussi la construction de l'Opéra de Monte Carlo. Le casino de Monte Carlo, qui fait partie des plus beaux du monde, a largement contribué au mythe monégasque. De tout temps, le Gotha international vient pour jouer dans un endroit réputé. La légende de Monaco est indissociable de ces casinos, et celui de Monte Carlo est à part. Dès la création, François Blanc affirmait déjà que rien ne peut être fait ici comme ailleurs. Un leitmotiv que l'on pourrait appliquer à Monte Carlo dans son ensemble.